L'agence de presse des États-Unis AP vient de faire part de la réalité coréenne. D'après elle, on peut citer comme des événements produits en Corée du Nord depuis l'apparition du dirigeant suprême Kim Jong-un sur la scène politique officielle, la consolidation de ses assises politiques, le progrès des techniques nucléaires et de fusées, la concrétisation de la ligne de promotion simultanée de l'économie et des forces nucléaires, la mise en vigueur du système socialiste de gestion responsable d'entreprise et la vie culturelle et esthétique plus améliorée des habitants. Force News aussi a rapporté le même contenu.